L'histoire de la radio dans le Maghreb sous domination coloniale reste relativement ignorée. Faute de sources, les chercheurs se sont d'abord intéressés aux médias sous l'angle de la propagande. L'influence des émissions arabes, des radios fascistes et nazies dans les années 1930 et 1940, puis des voix panarabes ou nationalistes de la radio égyptienne et du FLN, ont été les premières interrogées. Nous commençons seulement à nous pencher sur les acteurs de ces radios locales et sur la réception du nouveau média au sein des populations marocaines, algériennes et tunisiennes. On peut citer les travaux de Habib Belaïd en Tunisie ou de Rebecca Skels pour l'Algérie. Plusieurs travaux novateurs pourtant, notamment ceux de Kate Lacey et d'Andrew Stuart Bergerson sur la radio allemande, ont montré l'attrait du média radiophonique pour certaines catégories, ce qu'on pourrait appeler subalternes, comme les jeunes et les femmes. La radio représente bien un moyen d'étendre le champ de leur univers mental et de participer à la sphère publique. Ces problématiques prennent d'autant plus de sens en contexte colonial. Et quelques interrogations vont donc guider cette intervention. D'abord, quelle fut la politique des autorités françaises à l'égard des auditrices tunisiennes? Quelles perspectives professionnelles ces radios locales ont pu offrir aux tunisiennes? Et enfin, en quoi le poste de TSF est devenu l'un des points nodaux de la contestation et de l'émancipation au sein même du foyer? Je vais commencer par un rapide historique sur la radio en Tunisie. Ce sont des stations régionales privées qui ont été les premières à émettre sur le sol tunisien. On voit là une originalité tunisienne. Ce sont les capitales régionales comme Bizerte ou comme Sfax qui ont devancé la capitale Tunis. Mais ces radios privées vont tendre à disparaître après la Deuxième Guerre mondiale. La création d'une radio d'État elle-même est relativement tardive. Au Maroc, le premier poste public a été créé en 1928. En Tunisie, le projet d'une station d'envergure qui couvrirait l'ensemble du pays est dans les cartons depuis 1936. Mais la mise en place d'un tel poste va susciter de violents débats, et les moyens financiers surtout font défaut. C'est la manifestation nationaliste du 9 avril 1938 qui dégénère en affrontements sanglants et la sévère répression qui s'ensuit à l'encontre du néo-destour, le parti nationaliste, qui va précipiter la création d'une radio d'État qui va s'appeler Radio Tunis et qui est inaugurée le 14 octobre 1938. Cette radio Tunis affiche certaines spécificités. Tout d'abord, l'administration de cette nouvelle radio dépend directement de la métropole. C'est le poète surréaliste Philippe Soupeau qui est le premier responsable de Radio Tunis entre 1938 et 1940. Et par ailleurs, il s'agit d'un poste impérial. Le poste n'a pas seulement une vocation locale, on va avoir des heures marocaines, tripolitaines, algériennes, turques, etc., etc., qui sont mises en place. Les femmes musulmanes vont compter parmi les premières auditrices visées par la création de ce poste d'État. C'est un public qui est particulièrement convoité. L'écoute publique et collective est alors très importante dans le pays. On écoute la radio dans les cafés morts, chez les coiffeurs, dans les boutiques, dans les souks, etc. Les esprits, évidemment, peuvent s'échauffer assez rapidement dans ces lieux et ces auditions publiques sont particulièrement redoutées par les autorités françaises qui craignent tous les rassemblements et les embrasements possibles. D'autant qu'on écoute très souvent des radios étrangères, les radios italiennes et allemandes pendant les années 30 et 40, et les radios égyptiennes et anglaises après la Seconde Guerre mondiale. Ces radios sont généralement assez peu tendres envers la politique coloniale française. L'enjeu pour les Français va être donc de pénétrer l'espace privé. Et il faut avoir en tête cette image assez obsessionnelle chez les coloniaux de l'habitat traditionnel arabe. On représente ces maisons fermées sur l'extérieur. Les Français vont donc s'efforcer d'introduire le poste de TSF dans les foyers, avec l'espoir de gagner un public qui est considéré comme reclus, les femmes, dans un esprit de conquête des cœurs, entre guillemets, évidemment. Ces émissions à destination des femmes musulmanes, des causeries féminines, des causeries sur l'art culinaire, etc., et la demi-heure des enfants sont parmi les premières émissions arabes à être effectivement mises en place. Elles sont à rapprocher des mêmes émissions à destination des femmes et des enfants qui sont diffusées dans les programmes de langue française et italienne. Les femmes comptent parmi les premières auditrices visées par la propagande radiophonique. Pourtant, si le média est moderne en lui-même, le contenu semble relativement traditionnel. Aucune trace sonore n'est malheureusement restée de ces émissions, mais d'après les titres, celles-ci ne semblent guère se distinguer par leur originalité. Alors je cite quelques titres d'émissions: « La femme au foyer »,« L'heure familiale » de Fadila Khatmi, ce qui est une chanteuse et une comédienne, notion pratique d'hygiène, le foyer de Fatma Mahjoub, conseil aux mères, conseil aux jeunes filles, par Leïla Alouani. Alors, parmi ces conseils, on trouve notamment comme thème les règles du bon maintien, la modestie, etc. On voit donc que ces émissions féminines ont une dimension essentiellement pédagogique. Il est très difficile de savoir dans quelle mesure le discours véhiculé par la radio porte une volonté d'émancipation. Toujours est-il qu'on va s'adresser d'abord à la mère, à la femme au foyer, à la jeune fille au marié, plutôt qu'à l'institutrice ou à l'étudiante. La place de l'expression politique à Radio Tunis est elle aussi infime et est toujours arrachée à la censure. Radio Tunis est en effet une radio particulièrement surveillée. Alors j'ai quand même trouvé quelques contre-exemples qui restent très rares, qui restent des exceptions. Un premier incident a par exemple lieu en novembre 1938 à l'occasion de l'arrivée d'un nouveau résident général, Éric Labonne. On va avoir quatre jeunes Tunisiennes voilées, dont les propres nièces de Habib Bourguiba, qui vont se fondre dans la foule pour souhaiter la bienvenue au nouveau résident général. Elles arrivent toutes les quatre, elles offrent un bouquet de fleurs au résident général, qui est évidemment très charmé, et là, elles s'emparent du micro, puisque l'événement est radiodiffusé et en direct à la radio, elles s'emparent du micro, elles commencent par des banalités, vive la France, vive la Tunisie, vive Éric Labonne, vive son Altesse le Bey, et ça dégénère, abat les privilèges, libérez les détenus, vive le Destour, vive Bourguiba. Elles vont être poursuivies en justice pour crimes séditieux. Finalement, elles sont acquittées. Et je pense que c'est essentiellement parce qu'elles sont des femmes qu'elles sont acquittées, qu'on a un peu d'indulgence. Mais il faut noter que c'est la première fois que ce sont des femmes, que des femmes néo-destouriennes sont traînées en justice. J'ai trouvé un autre exemple en 1950, donc bien plus tard. Cette fois-ci, c'est au cours d'un concert radiodiffusé, là encore en direct, la veille de l'Aïd. On a une chanteuse qui s'appelle Wafa Amin, et c'est important à noter, c'est une juive tunisienne, qui présente ses vœux non seulement au souverain, au Bey de Tunis, mais aussi au leader du peuple, Habib Bourguiba. Ces prises de parole spontanées en direct restent cependant largement des exceptions. Le développement des émissions arabes dans les stations régionales comme à Radio Tunis n'offre pas moins de nouvelles opportunités d'emploi à certaines femmes tunisiennes. Des speakerines, mais aussi des chanteuses vont accéder à la sphère publique. Et il me semble que plus que le contenu des émissions lui-même, dont on a vu qu'il est resté assez traditionnel, c'est plutôt cette exposition publique qui apparaît novatrice et moderne. À Radio Carthage, une radio privée, on trouve ainsi une femme parmi les trois speakers tunisiens. Son nom est Arbia Zaouch, mais elle est plus connue sous le pseudonyme de Selma. C'est la première speakerine tunisienne et sans doute l'une des premières speakerines du monde arabe. Ces chroniques abordent les questions de l'instruction de la femme, de la littérature féminine arabe, de l'hygiène, de la puériculture, mais aussi des premières manifestations féministes. Par la magie de la radio, la voix de Selma, et donc la voix d'Arbia Zaouch, va pénétrer dans les foyers. Et cette exposition publique n'a rien d'anodin. Je rappelle que traditionnellement, en Tunisie, les femmes, à l'époque, ne peuvent pas ouvrir la porte. Non seulement elles ne peuvent pas ouvrir la porte à des visiteurs, mais elles ne peuvent pas répondre, donc parler à travers la porte. Si un visiteur vient et frappe, et qu'il n'y a pas un homme dans la maison, la femme va taper deux fois dans les mains pour indiquer qu'il n'y a pas d'homme au foyer et qu'elle ne peut pas ouvrir la porte. Donc l'arrivée de cette voix féminine dans les foyers à travers la radio est particulièrement importante. Une photo dans la revue féminine et nationaliste Leïla va mettre en scène cette Arbia Zaouch, cette Selma. On la voit ici, c'est un numéro qui date de 1940. Elle est vêtue d'un safsari, qui est le costume traditionnel tunisien. Et cette photo est à opposer à une autre photo, privée cette fois-ci, qui est prise à peu près à la même époque, toujours de la même Arbia Zaouch. Et dans cette photo privée, on voit qu'elle ne porte pas le voile. Et qu'elle est en costume européen. On voit donc que dans la précédente photo, il y a un message politique qui est transmis par la revue Leïla et qui est assez clair. On veut donner l'image d'une Tunisienne de son temps qui parvient à respecter les usages traditionnels, les contraintes de modestie, tout en s'investissant dans les technologies modernes. Évidemment, on peut émettre quelques sérieux doutes quant à la compatibilité du safsari, qui est généralement tenu entre les dents avec le métier de speakerine. On est ici, évidemment, dans la mise en scène. Cette revue Leïla rend donc, en 1940, hommage à cette jeune speakerine qui vient juste de décéder. Je cite un extrait. À l'époque héroïque des débuts de Radio Tunis, la première causerie qu'elle fit devant le micro provoqua une énorme sensation dans les milieux tunisiens. Les auditeurs qui avaient capté à cette époque les accents émus de sa voix n'en croyaient pas leurs oreilles. Quoi ? Une femme s'exprimait à la radio correctement et avec assurance dans le plus bel arabe classique qu'il soit. On voit dans cet extrait qu'on insiste notamment sur sa maîtrise de l'arabe littéraire qui semble quelque chose d'assez original pour une femme. Malheureusement, on sait extrêmement peu de choses sur ces speakerines de la radio tunisienne. Alors que les speakers tunisiens font l'objet d'une surveillance étroite et de fiches détaillées des renseignements généraux, les speakerines ne sont pas considérées comme un danger politique. Mais les programmes radiophoniques sont d'abord et avant tout des programmes musicaux. Et la radio va faire travailler de manière plus ou moins régulière un grand nombre de chanteuses. Il faut savoir que le choix d'une carrière artistique à cette époque est synonyme de désapprobation sociale. On note que la plupart des grandes chanteuses de l'époque sont juives. Et deux des plus célèbres chanteuses musulmanes, Shafia Rochdi et Fatia Keiri, sont orphelines, ce qui est loin d'être anodin. On peut penser que l'absence de pression paternelle laisse à ces femmes une plus grande liberté. Ces chanteuses sont pour la plupart issues de milieux extrêmement populaires. En 1932, avait été créée la Rachidia, qui est une société musicale qui se positionnait contre les chansons populaires égyptiennes et qui entendait ressusciter la musique classique tunisienne, revenir à ses sources arabo-musulmanes. Le personnage Mustapha Sfar est très impliqué dans la création de la Rachidia et il a employé tous ses pouvoirs de Cheikh El Medina, de maire de la Médina, pour rehausser le statut de l'artiste féminine dans les années 30. Les pensionnaires de la Rachidia vont recevoir un salaire fixe. Il va interdire les chanteuses d'accompagner leurs prestations musicales de danse, ce qui s'apparente un peu en quelque sorte à de la prostitution. Il interdit désormais les chanteuses de danser. Et surtout, il va s'attacher à combattre l'analphabétisme chez les chanteuses. Il s'agit à la fois de lutter pour faire reconnaître le statut de l'artiste, mais aussi pour permettre à ces femmes d'interpréter les textes les plus difficiles en arabe littéraire. Ce métier d'artiste est donc un moyen de libération et d'affranchissement pour les femmes. Et la radio va être un moyen de prolonger cette action. Radio Tunis va laisser une grande place aux artistes de la Rachidia et va participer à la naissance de véritables stars. Ces chanteuses vont prendre la tête d'orchestre, on parle de l'orchestre par exemple de Shafia Rochdi, et les troupes vont s'organiser autour de ces vedettes féminines. Alors si les chanteuses tunisiennes étaient déjà engagées dans un mouvement de reconnaissance grâce à l'action de Mustapha Sfar, c'est véritablement grâce à Radio Tunis qu'elles accèdent à la notoriété. Dans sa thèse, Nadia Mamlouk s'est intéressée notamment à la critique radiophonique dans la revue Leïla que j'évoquais tout à l'heure. Elle montre que les critiques musicales se focalisent sur Radio Tunis et que c'est bien à la radio que se joue la renaissance d'une chanson nationale. L'art de ces chanteuses, mais aussi leurs mœurs, vont donc être désormais commentés et débattus dans la presse. Ces stars gagnent assez largement leur vie pour ne dépendre de personne et échapper à une pression sociale qui est alors très pesante. Il y a de nombreuses anecdotes qui circulent, même si celles-ci sont parfois difficiles à vérifier. Je vais prendre l'exemple de la chanteuse Shafia Rochdi, qu'on voit ici avec les épaules dénudées. Cette Shafia Rochdi, qui est une chanteuse très connue, est souvent décrite comme rebelle. On la traite notamment de Zoufria, qui est un mot tunisien qui vient du terme français ouvrier, et qu'on utilise qu'on pourrait traduire en quelque sorte par vaurienne. On la traite de Zoufria. Elle est la première et pendant longtemps l'unique femme à appartenir à cette société musicale, la Rachidia, et elle a pris une part très importante à la fondation de cette association. En 1940, elle va scandaliser la bonne société tunisoise en conduisant elle-même dans la capitale une voiture décapotable. Elle est donc souvent décrite comme un symbole de la femme moderne, notamment dans la revue Leïla. Pour finir, je vais m'intéresser à la question de la réception des émissions radiophoniques par les auditrices elles-mêmes, les auditrices juives et musulmanes. Ce sont les villes côtières de la Tunisie qui rassemblent le plus grand nombre d'auditeurs, en premier chef évidemment Tunis. Des années avant la révolution du transistor, de nombreuses régions dépourvues de courant restent encore à l'écart de ce média. Un rapport de 1939 montre que le taux d'équipement en poste de TSF est très défavorable aux Tunisiens. Seuls 23% des Tunisiens sont propriétaires de TSF. La part des propriétaires juifs n'est pas précisée, mais elle est supérieure à celle des propriétaires musulmans. Le poste individuel est donc réservé à une élite citadine juive et musulmane, une élite souvent composée de fonctionnaires et de bourgeois, mais qui reste une minorité. Je prends l'exemple de la ville de Souk El Arba en 1948. Sur une population tunisienne de 113 000 habitants, il n'existe que 152 postes privés. L'audience, évidemment, déborde ce petit quart de Tunisiens qui possède un poste radio. On écoute la radio dans les cafés morts, dans les boutiques, qui rassemblent un nombre parfois élevé d'auditeurs. Mais les femmes sont largement exclues de ces écoutes collectives. L'écoute féminine est absolument cantonnée au foyer. S'il reste très minoritaire et cantonné à une certaine frange de la société, la bourgeoisie lettrée, cet auditorat féminin n'en existe pas moins. Et ainsi, la critique radiophonique occupe une large place dans la revue féministe Layla. Cet auditorat tend à se développer. Ainsi, j'ai pu interroger une vieille femme de Kélibia, dans la région du Cap-Bon, qui m'a raconté la manière dont elle achetait un poste radio. C'est quelque chose de très original, la femme qui achète elle-même le poste radio. Elle avait un poste radio dans sa famille, qui avait été acheté par son père, et quand elle s'est mariée, elle a voulu s'acheter son propre poste, puisque son mari n'avait pas de radio, et elle a vendu ses bijoux en or, qui sont très importants pour les femmes tunisiennes, pour s'acheter son poste. Et quand je lui ai demandé ce que son mari en avait pensé, elle a fait ce geste. C'était son poste à elle, elle écoutait la radio et elle disait que son grand plaisir, c'était de danser toute seule à la maison en écoutant la radio. La radio trône le plus souvent dans le salon. Au sein même de l'espace privé, l'écoute de la radio dépasse souvent le cercle familial. Il n'est pas rare que les propriétaires de TSF partagent ce loisir avec leurs amis et leurs voisins. Je vous montre ici une illustration qui est tirée d'un recueil de sketchs. Alors c'est une famille juive qui vient d'avoir un poste de radio et c'est tout un sketch autour de l'écoute de cette radio et qui invite leurs amis, un autre couple d'amis, à écouter avec eux. On remarque le petit poisson qui porte bonheur, qui est accroché au poste TSF. C'est quelque chose qui semblait assez courant à l'époque. Même à l'intérieur du foyer, l'écoute de la radio reste donc une pratique collective. C'est un moment de sociabilité et c'est une manière d'entretenir une solidarité de voisinage. Pour autant, la radio va rompre un certain ordre traditionnel au sein du foyer. La radio s'immisce dans le quotidien même de la maisonnée. C'est une distraction qui est particulièrement précieuse pour les auditrices. Le speaker s'adresse directement à l'auditeur, femme comprise. Et la radio a pu symboliser une fenêtre sur le monde pour un certain nombre de femmes au foyer. Je vais prendre plus particulièrement l'exemple du cinéma, puisque la radio a joué un rôle important dans la popularisation du cinéma au sein d'une audience féminine qui quitte moins souvent le foyer et qui n'a donc pas accès aux salles de spectacle. Les stations vont faire connaître les grandes voix de la chanson égyptienne qui résonnent au même moment sur les écrans tunisiens. Et ces chansons développent une certaine idée romantique et moderne du couple. Henri de Montetti, un fonctionnaire français en Tunisie, a parlé à ce propos d'émancipation sentimentale. Pour celui-ci, la radio et le cinéma ont été, je cite, « les grands éducateurs modernes en émotions sentimentales des femmes de Tunisie ». Et on remarque qu'à cette époque, une fois par semaine, la chaîne arabe de Radio Tunis va présenter un film qui peut être français, américain, égyptien, avec des commentaires très détaillés sur l'action et surtout des descriptions sur les robes et sur les maquillages. Et cette émission est assidûment suivie par les femmes qui ne peuvent pas aller au cinéma. Et j'avais ainsi interrogé une femme tunisoise qui n'avait pas le droit, son père l'interdisait d'aller au cinéma et qui se souvenait d'avoir entendu des films à la radio et qui était encore capable de me raconter tout le scénario avec précision. Le poste de TSF et son contrôle ne constituent pas moins un véritable enjeu entre les générations comme entre les sexes. Son emplacement dans la maison, c'est généralement dans le salon, mais ça peut être aussi dans la chambre, le type d'écoute, familiale ou individuelle, vont être autant de variables qui permettent d'évaluer l'espace de liberté des auditrices. C'est souvent le père de famille qui a la haute main sur les programmes, sauf quand le fils, plus moderne, a lui-même acheté le poste, et c'est parfois le fils de la maison qui est le seul à savoir utiliser le poste de TSF. Ces hommes censurent vigoureusement les programmes, ils peuvent même censurer la musique. Si la musique classique de la Rachidia ou de la Soulamia peut s'écouter en famille, c'est-à-dire avec les femmes et les enfants, ce n'est pas le cas de la musique moderne dans laquelle on peut entendre des paroles légères. Et ainsi, cette auditrice que je venais d'évoquer, qui avait été longtemps interdite par son père d'aller au cinéma, n'a pu écouter la radio qu'à partir de 14-15 ans, puisqu'on estimait que les paroles qu'elle entendait à la radio, non seulement les émissions, mais aussi les paroles des chansons, n'étaient pas propres à des jeunes filles respectables. Dans le cadre de l'écoute familiale, on remarque que c'est la langue dialectale, l'arabe dialectale, qui est préférée. Une enquête de 1948 montre que les femmes et les classes populaires restent davantage fidèles à Radio Tunis, qui assure une grande partie de ses programmes en arabe dialectal. Les auditrices sont plus attachées aux stations locales que les hommes, j'arrive presque à la conclusion, qui bénéficient d'un meilleur accès à l'éducation. Ces hommes plébiscitent plus fréquemment les émissions en arabe littéraire des stations étrangères, Berlin ou Rome, puis Le Caire et Londres. Les auditrices tunisiennes, elles, apprécient tout particulièrement les contes et les historiettes du célèbre speaker tunisien Abdelaziz Laroui. Alors, ces enquêtes qui ont été menées par l'administration coloniale demanderaient bien sûr à être complétées par des entretiens oraux avec les témoins de l'époque. C'est un travail qui est encore en cours et ces entretiens, je n'ai pas encore fini ces entretiens. Mais il semblerait que dans les souvenirs des témoins soit surtout resté l'humour de ce speaker tunisien Abdelaziz Laroui et de la musique, soit exactement les mêmes souvenirs, la même chose que dans les souvenirs des auditeurs masculins. La question des goûts et des préférences des auditrices reste donc encore à explorer. Si les émissions féminines semblent privilégier l'aspect pédagogique, l'hygiène, la cuisine, les conseils domestiques, ce n'est sans doute pas l'aspect le plus important dans le développement encore lent d'une audience féminine. Ce qu'il me semble à retenir, c'est d'abord la naissance d'un espace individuel, la femme face à son poste de radio, mais aussi la bataille au sein de la famille pour le contrôle du poste TSF, et enfin l'ouverture vers l'extérieur et d'autres modes de vie, qui est notamment illustré par le rôle de la chanson égyptienne.